Viens vivre avec moi. Viens et tu verras. Viens, je te ferai l'amour deux fois ou trois. Viens vivre avec moi. Viens et tu verras. Viens, je te ferai l'amour deux fois. Et tu verras.